Bravo. Oh, yeah. Ça va, les amigos? Et toi? Et vous me connaissez, je suis pas un écologiste radical. Hein. J'ai une gourde, mais quand même, je l'oublie souvent à la maison. Quoi. C'est dur à nettoyer, je trouve une gourde. Je la lave avec mon furet, au bout d'un bâton, comme ça. Je le trempe dans le pec, et c'est le seul système que j'ai trouvé pour arriver au fond de la gourde. Mais 9 fois sur 10, après, je bois, et l'eau, elle a le goût du savon ou du furet. Et ça me rappelle Daniel. Et je l'aime bien, mais j'ai pas envie de penser au boulot tout le temps. Quoi. Donc, ceci dit, comme tout le monde, je suis inquiet. Je me demande quelle planète on va laisser à nos enfants. J'en ai pas, mais j'ai un chien, quoi. C'est vrai que quand je le vois au parc, je me dis, ah ben lui, en tout cas, il veut une descendance. C'est sûr que je peux vous dire, il pense plus à l'amour qu'à ses devoirs. C'est un luron, hein. Vraiment, tu vois, c'est pour ses futures portées que je tire pas la chasse avant 19h. Et que je m'informe sur l'écologie. Genre, j'ai appris ce week-end que des activistes anglais avaient été condamnés pour avoir endommagé un tableau de Van Gogh. Ouais. Et je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, Ernesto, le truc de la soupe, c'était il y a 1000 ans, frère. Tu vas nous parler de quoi après? Batiston, Bokassa, la défaite des Belges contre le Marocain, que des vieux trucs que tout le monde a oublié. Non, c'est une autre action. C'est deux jeunes activistes de Just Stop Oil aussi, mais ils s'étaient collé la main sur un tableau de Van Gogh en juin 2022. Vous avez entendu ce truc ou pas? Moi, j'avais pas entendu, quoi. La soupe sur les tournesols pour passer à côté de l'info en octobre. Fallait être en congé dans une cage de Faraday, quoi. Tu vois, moi, je suis plus sur les réseaux, je regarde plus JT, mais c'était info sur les tournesols. Je l'ai eu direct. C'est un bégonia qui m'en a parlé. Il m'a dit, je tiens ça d'un puceron. C'était partout, tout le monde le savait. Ça a déchaîné les passions. J'ai même lu un chroniqueur dans un journal canadien attaquer la radicalité écolo avec un argument que j'avais pas vu venir. Il a écrit, je cite, depuis une décennie, écologistes et spéculateurs ont fait alliance en France afin de massacrer à coups d'éoliennes, à perte de vue, ces mêmes paysages qui inspiraient autrefois Renoir, Cézanne ou Van Gogh. J'étais là, waouh, lui devait vraiment trouver un axe, hein. Vraiment, tu sais, il est rentré de vacances 3 jours après le truc de la soupe, tous les éditorialistes du monde avaient déjà écrit que les jeunes se trompaient de cible. Il est arrivé à la rédac en mode, quelqu'un a déjà dit que les éoliennes, c'est vilain, et les faux catalytiques, vous aimez bien le bruit, vraiment, tu vois, ça a lancé un débat mondial, cette histoire de soupe, avec une question passionnante, quoi. Qu'est-ce qui vaut plus, l'art ou le cochon? Ah ben voilà, encore une blague. Et oui, on a peur que les gens s'ennuient derrière le poste, alors on place des phares dans le texte, on sait dynamique, ça donne du père, ça donne du pep, tout le monde aime ça, la rigolade. Alors je me rappelle quand j'ai commencé à vouloir meubler mon nouveau appart, il y a un humoriste un peu bourgeoise dont je tairais le nom qui m'avait dit, si tu commences à t'intéresser à la déco, la prochaine étape c'est l'art. J'étais là, franchement, ça m'étonnerait, Marina, tu vois, l'art c'est vraiment l'art, c'est un mystère pour moi. Moi, on m'aurait dit propose un prix pour les tournesols de Van Gogh, j'aurais dit, je sais pas, 80 euros pour récupérer le bois, quoi. Mais j'avoue, les fleurs je préfère en photo ou sur un cercueil, vraiment, tu vois. Mais c'est une grande question, la valeur intrinsèque de l'art. J'ai vu un documentaire sur le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, le tableau le plus cher de l'histoire de l'art, 450 millions de dollars. Ce tableau il fait 65 cm sur 45, c'est la dimension de mon cadre I Love Biarritz. C'est 450 millions de dollars, putain. Et je vais être honnête, hein, je vais pas mentir, Jésus, il est bien dessiné dessus. Bien joué, Léonard, tu vois. Tu sais direct que c'est Jésus. C'est pas qu'en fermant un œil, tu dis, ah, je sais pas, j'aurais dit Julien Doré, tu vois. Il y a le côté rouflaquette. Non, tu sais que c'est Jésus. Mais in fine, si les extraterrestres débarquent et qu'ils ont aucune notion de l'histoire de l'art ou d'histoire de Jésus, il y a bien moyen qu'à choisir. Ils préfèrent mon cadre I Love Biarritz, tu vois. Déjà parce qu'il y a un plexi, si quelqu'un veut jeter de la soupe ou des nouilles végé, ça protège. Ouais, tu vois, en plus, il y a des surfeurs, t'as peut-être envie d'évasion dans ton voyage retour vers ta galaxie, tu vois, c'est vrai. Et vous allez me dire, tu peux pas comparer des cadres I Love Biarritz, il y en a partout. Ah, alors que le Salvator Mundi, il y en a qu'un. Même pas. Van Eyck, il a peint le Salvator Mundi, Memling a peint le Salvator. Tous les 6 mois, il y avait un nouveau Salvator Mundi qui sortait, c'était le Spider-Man de l'époque, quoi. Vraiment, tu vois. Tu sais qui peignait le Christ? Tout le monde. Et aucun tableau qui s'appelait Ford Monteo, dévalant un sous-bois, tu vois, ça existait pas à l'époque. Et j'entends bien que c'est un chef-d'œuvre et tout. En 2005, on croyait que c'était une copie. Il y a un marchand qui l'a acheté pour moins de 1200 dollars. Vraiment, le tableau, il était restauré, authentifié. En 2017, il a été vendu pour 450 millions de dollars. Ça veut dire qu'après restauration, le tableau, il a fait une plus-value de 449 498 000 dollars. Il devait être dans un de ses états. C'est sûr, dessus, il y avait Jésus à côté d'une Ford Mondeo. Tu vois, ils ont dû frotter avec un coton-tige. C'est Mohamed Belsalman qui l'a pris. Tu vois, le prince héritier d'Arabie. Il l'a acheté 450. Pour lui, c'est rien. Il a payé sans contact. Tu vois, mais le fait que les activistes, c'est vrai que c'est incontestable. 450 millions d'heures, tu pourrais changer le quotidien de tellement de monde, au moins de deux personnes, quoi. Tu splits la somme, chacun reçoit 225 millions. Ils pourraient pas s'acheter le Salvator Mundi, mais des cadres à Love Biarritz, putain, ils en auraient autant qu'ils veulent, quoi, tu vois. Et ça fait un moment qu'on n'a pas vu réapparaître le tableau. D'après les rumeurs, Mohamed Belsalman, il pourrait le ressortir, le Salvator Mundi, dans quelques années, comme star d'un immense musée basé dans le désert, en Arabie Saoudite, comme produit d'appel. Et c'est pratique, tu vois, parce qu'il fait ce qu'il veut, en fait. Pour être sûr qu'on ne touchera pas à son tableau, il peut interdire la soupe dans son pays. Et aussi les gourdes et les furets et les chroniques trop longues. Allez, bonne émission. Merci, Guillaume. Attention, dernière date de la tournée de Guillermo. Ce sera au Grand Rex et ce sera le 12 janvier.